Pourquoi refuser la Légion d'honneur ? En 1985, Brigitte Bardot a été nommée chevalier de la Légion d'honneur par le président François Mitterrand. Mais elle a refusé d'aller chercher sa décoration en affirmant « Ma Légion d'honneur, je la dédie aux animaux qui souffrent ». C'est un exemple, parmi d'autres, des usages qui peuvent être faits d'une décoration dont la fonction est d'honorer une personne ayant rendu des services éminents à la nation française. L'Ordre national de la Légion d'honneur a été fondé en 1802 par Napoléon Bonaparte, qui était alors premier consul de la République. Son but politique était de recomposer l'ordre social post-révolutionnaire en attribuant ce ruban honorifique à des citoyens, des civils mais surtout des militaires, présentés comme des exemples. C'était un moyen symbolique de fabriquer un creuset dans lequel devaient fusionner tous les groupes sociaux de la Nouvelle-France, des notables, depuis la bourgeoisie commerçante ou industrieuse jusqu'à la bourgeoisie de robe, en passant par les hommes distingués par leur talent intellectuel, politique ou militaire. La Légion d'honneur fut aussi conçue comme un instrument visant à stimuler en chaque citoyen le zèle à servir l'État. Voilà pourquoi Bonaparte utilisa le mot « hochet » pour la désigner en disant « c'est avec des hochets que l'on mène les hommes ». Il faut toutefois rappeler que cette innovation ne fut pas approuvée par les républicains restés fidèles à l'esprit de la Convention. Étant donné que la Révolution française avait aboli toutes les décorations de l'Ancien Régime, ce rituel fut perçu comme la restauration d'une nouvelle aristocratie et une entorse au principe révolutionnaire d'égalité. En 1848 et en 1870, les fondateurs de la Seconde et de la Troisième République envisagèrent à nouveau de supprimer ce genre de hochet. Et pourtant, l'Ordre national de la Légion d'honneur a fêté sans problème son bicentenaire il y a une vingtaine d'années. La hiérarchie des trois grades de chevalier, officier et commandeur semble immuable et c'est toujours le président de la République qui est le grand maître de l'Ordre. Chaque année, 3000 personnes acceptent avec fierté de recevoir le ruban rouge et ils ne sont que 4 ou 5 à le bouder. Les raisons du refus sont très diverses. Pour Brigitte Bardot, ce fut un moyen de défendre la cause des animaux. En 2016, l'actrice Sophie Marceau refusa la Légion d'honneur parce qu'elle avait été attribuée peu de temps auparavant au prince saoudien Mohamed Ben Nayef, représentant d'un régime qui avait exécuté 154 personnes en 2015. Quant à l'économiste Thomas Piketty, s'il a rejeté sa décoration, c'est parce qu'il estime que ce n'est pas le rôle d'un gouvernement de décider qui est honorable. À cette liste de résistants, il faudrait ajouter celles et ceux qui ont suivi les conseils du musicien Eric Satie quand il disait « Il ne suffit pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas la mériter ». Mais comment s'y prendre pour démériter ? Telle est la question à laquelle Coluche tenta de répondre en avertissant les représentants du pouvoir qu'au cas où on voudrait lui attribuer la rosette, il irait la chercher en slip pour qu'il ne sache pas où la mettre.